Audiomatique. La transmission 007 d'Audiomatique de ce mercredi 5 novembre 2014 s'amorçait avec le projet américain Tony Come, qui est en fait le pseudonyme de Rachel Maloney, de qui nous pouvions entendre la pièce The Cavern, tirée de l'album Seeking the Lost Mind. Vous voici donc en compagnie des électronistes qui, chaque semaine, vous suggèrent de découvrir différentes créations issues du vaste et infini répertoire de la musique électronique. Il n'y a aucune restriction sur ce que vous entendez. Les premières compositions électroniques datant des années 1940 jusqu'aux pièces contemporaines, notre mandat consiste à laisser la place à des artistes de tous les horizons. D'ailleurs, un peu plus tard au cours de cette transmission, vous aurez la chance d'entendre la création d'une artiste du nom de Lorella Abenavoli, qui ne produit pas d'album en tant que tel, mais plutôt des installations sonores basées sur les rythmes de la terre, des arbres, du corps et des astres. Mais pour l'instant, nous entamons une première séquence en compagnie de la formation Click Click, une formation qui évolue depuis le milieu des années 80 et propose encore aujourd'hui une musique électronique abrasive avec un côté rock. Sans attendre, nous entendons la pièce Moist, tirée de leur album Bent Massive, publié en 1989. Nous terminons cette séquence avec la formation Mind in a Box, une version alternative de leur pièce Remember, parue sur le mini-album Revelations Club Mixes. La version originale de cette pièce se retrouve sur leur album intitulé tout simplement Revelations. Auparavant, c'était le duo new-yorkais Xeno and Oaklander, de qui nous en écoutions la pièce Jasmine Nights, tirée de leur plus récent album paru à l'été 2014. Et en début de séquence, nous entendions la pièce Moist de la formation Click Click. Poursuivons donc avec cette fois le projet britannique Clark à Audiomatic avec les électronistes.

Nous terminions la séquence musicale avec nul autre que le compositeur américain Philip Glass et sa composition Music in 12 Parts, Part 1, ici remixée par My Great Ghost. On peut retrouver cette version sur l'album Rework Philip Glass Remixed, qui comprend entre autres des remixes d'Amon Tobin, de Memory Tapes et également de Cornelius. La version originale de Music in 12 Parts, Part 1, se retrouve sur l'album Music in 12 Parts, Parts 1 and 2, paru en 1974. L'histoire derrière cette pièce est intéressante car, à l'origine, Music in 12 Parts était un seul mouvement d'une durée de 20 minutes, structuré en 12 voix de contrepoint harmonique, c'est-à-dire une superposition organisée de 12 lignes mélodiques distinctes. Lorsque Philip Glass a présenté la pièce en concert en 1971, une spectatrice lui a demandé quelles étaient les 11 autres parties de l'œuvre. Cette incompréhension de la spectatrice a beaucoup amusé Philip Glass, qui a éventuellement décidé de composer les 11 autres sections au cours des 3 années qui ont suivi. L'œuvre intégrale de Music in 12 Parts est d'une durée d'environ 4 heures. Précédemment, à Philip Glass, nous entendions le trio originaire du Pays de Galles, The Mountaineers, et la chanson Bum Bum de leur seul album, soit Messy Century, paru en 2003. Le groupe a fait paraître plusieurs mini-albums, mais rien depuis 2005. Et nous débutions avec Clark, Chris de son prénom, et la pièce Winter Lynn, de son album homonyme, paru le 3 novembre dernier. La prochaine création que nous écouterons à Audiomatique est particulière. L'artiste franco-italienne Lorella Abenavoli a produit, en juillet 2014, une œuvre intitulée Echo, dans le cadre des siestes sonores de l'espace d'art contemporain Les Roches, en France. L'œuvre Echo est composée de 3 parties, Exode, Le souffle de la terre, ainsi que la montée de sève, pour un total de 25 minutes. Dans le cadre d'Audiomatique, nous allons entendre un extrait d'environ 3 minutes de la troisième partie de la création de Madame Abenavoli, soit la montée de la sève. L'artiste a travaillé avec, comme matière première, des sons extraits de la captation de la montée de la sève dans un arbre. Vous entendrez essentiellement 2 types de sonorités. D'abord, des sons percussifs, qui sont l'effet de la cavitation, soit l'explosion de bulles d'air dans la sève, et aussi des nappes sonores constituées par le bruit ambiant entre ces explosions des bulles. L'artiste a joué évidemment avec différentes fréquences et ajouté quelques effets à la cavitation, principalement de la réverbération. De plus, il faut savoir que les ondes enregistrées sont des ondes ultrasonores et demande à être ralenti pour être entendu. Voilà donc les explications pour la création sonore que nous offre, dès maintenant, l'artiste Lorella Abenavoli. C'était la collaboration entre l'artiste Robert Rich et le projet Aliodai qui concluait cette séquence musicale. Nous entendions la pièce A Canopy of Shivers tirée de Fissure, leur album réalisé conjointement en 1997. Auparavant, nous écoutions une création de l'artiste franco-italienne Lorella Abenavoli. Il s'agissait d'un extrait de la composition La Montée de Sève, qui fait partie d'une œuvre plus globale intitulée Echo. Dans cet extrait, nous pouvions entendre des sons issus de la captation de la montée de la sève dans un arbre et ayant subi quelques traitements. À travers sa démarche artistique, Madame Abenavoli, qui a d'ailleurs récemment présenté une installation sonore à la galerie Air Cube de l'UQTR, l'artiste utilise donc un dispositif technologique permettant de rendre audibles les battements imperceptibles du monde. Elle réalise ainsi des installations audio révélant les rythmes de la Terre, des arbres, des astres, du corps et du cosmos. Nous vous invitons d'ailleurs à consulter son site internet pour en connaître davantage sur cet artiste. L'adresse, le www.abenavoli.net. Nous en sommes déjà rendus au dernier droit de l'émission. Nous nous quitterons donc tout en musique avec, dans l'ordre, Zola Blood et la chanson Grace de leur mini-album Meridian. Et pour clore le tout, ce sera Murs avec la chanson titre de son album No Compass Will Find Home. Les électronistes espèrent que vous avez apprécié ces moments dédiés à la musique électronique. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 18h pour la transmission 008 d'Audiomatic. Sachez que l'émission est aussi en rediffusion les samedis à 20h et que vous pouvez également écouter les anciennes transmissions en vous rendant sur notre page Facebook à Audiomatic CFOU. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à communiquer avec nous en écrivant à l'adresse audiomatic@gmail.com. Restez à l'écoute car les audacieuses suivent dans quelques instants. Voici donc Zola Blood qui sera suivi de Murs. Do the dance for your memory. waves of time. The story unfolding now that's on my mind. The past in a silly place of time. The story unfolding now that's on my mind. Through the past in a silly place of time. The past in a silly place of time. Try.